L'actualité à Nancy et ailleurs. Aujourd'hui, je reçois la compagnie Réversible, en la personne d'Adrien. Bonjour Adrien. Bonjour Sarah. La compagnie Réversible est donc en résidence au Théâtre de la Source depuis janvier 2025. Donc en fait, c'est tout frais. Tout à fait. Donc en deux mois et demi, vous travaillez au rendez-vous mythique du rendez-vous des moutards, donc qui avait été mis en place par le Théâtre Anquit il y a déjà quelques dizaines d'années. Mm-hmm. Vous arrivez, vous reprenez. Ouais. Comment vous faites en deux mois et demi pour mettre ça en place? Bah, ça n'a pas été facile. C'était un gros challenge parce que c'était un peu l'objectif en arrivant dans ce théâtre, ouais, en étant résident, de perpétuer ce rendez-vous, ouais, qui était... nous, on est passé par là, en fait, quand on a débuté. Okay. Donc c'est un festival qui nous est cher. Et incontournable, je crois. Ouais. Enfin, en tout cas, on connaît beaucoup de compagnies qui sont passées par là, dans, ouais, la région. Et c'était aussi une façon de mettre en valeur notre arrivée en disant, OK, on est là, on va continuer ce qui se faisait avant, mais on va en plus rajouter nos petits trucs à nous. Ouais. Donc le festival, il est comme avant, mais avec un peu plus de choses. Avec un peu plus de choses. Voilà. Alors... Justement, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de la programmation, Adrien? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des choses que vous conseillez peut-être plus parce qu'il y a plusieurs compagnies? Ou en fait, non, tu nous dis, il faut venir tout voir parce que tout est bien. Évidemment qu'il faut venir tout voir. Voilà, est-ce que, comment on fait pour choisir les compagnies? Comment on fait pour se dire, on va les prendre eux et moins eux? Alors, est-ce que c'est peut-être des compagnies que vous connaissiez déjà? Alors, c'est exactement ça. Comme on était sur des délais excessivement courts, puisque, l'as dit, on a commencé en janvier. Donc, c'est avant un beau de savoir... challenge que vous avez relevé. Hein, bravo. Oui. Franchement, bravo. Merci. Parce que c'est pas simple. Non, c'était pas simple. Surtout, du coup, on a évidemment décalé le festival, puisqu'il se faisait, oui, en février à la base, oui, pendant les 18 éditions précédentes. Et donc là, on le décale au printemps. Ouais. Et les compagnies, on a exclusivement choisi des compagnies locales, ouais, régionales. De la région. Du Grand Est, en tout cas. Donc, je ne vais pas te dire qu'il y en a une qui est mieux que l'autre, oui, clairement. En bien plus, sûr. Parce qu'on connaît tous le travail, ouais, de toutes ces compagnies et on sait que c'est toujours des travaux de qualité. Je ne vais pas dire venez voir un tel ou un tel. Je vais faire la pub de nos spectacles, évidemment. Oui. Hein, évidemment. On ouvre le festival le 29, ouais, avec Les Bons Comptes Font Les Bons Amis, qui, ouais, est un des spectacles fondateurs de la compagnie. Donc, je vous encourage fortement à venir le voir, bien évidemment. Tous les auditeurs ont noté. Voilà. Et puis, sur la fin du festival, on a aussi un petit peu d'émergence. C'était un peu okay, le pari de ce festival, ouais, et qu'on va prolonger après sur les autres éditions, on, okay, espère. C'est de faire un petit peu d'émergence. Et on a notamment un spectacle le 26 avril, qui est Les Sorcières ont vraiment besoin de vacances, qui est une très jeune compagnie qui vient de débuter. Donc, je vous encourage aussi à venir le voir. Super chouette. Parce qu'ils ont besoin un petit peu de public. Ouais. Et à part ça, évidemment, on a des compagnies qu'on connaît tous, genre le Théâtre Anquit, oui, bien évidemment, oui, qu'on a fait revenir pour un spectacle. On a Histoire 2, on a La Couseuse d'Histoire, on a La Tota Compagnia et La Compagnie qui fume. On a également, toujours en émergence, on aura la compagnie des Bonas. Alors là, qui est un petit peu hors festival, hors programmation. Que je connais bien. Oui, c'est super, c'est des très bonnes amies à nous. Elles sont extraordinaires, les filles. Elles sont super. Et du coup, elles vont nous faire en première, d'accord, leur nouvel entresort. Super. Ouais, qui s'appelle le SND, le Simulator of National Disaster. Je crois que je l'ai bien dit. Ouais, tu tiens l'accent, incroyable, super. Et enfin, la compagnie La Mince Affaire aussi, qui est une compagnie aussi du coin, d'accord, qui viendra pour un entresort également. Et vous, Réversible, ça fait combien de temps que vous existez? Alors nous, c'est notre 10e année d'existence cette déjà année. Oui, on s'est fondé en 2015. Ouais. D'accord. Beau parcours. Surtout pour ces 10 ans, on était contente d'avoir ce gros pas en avant avec la résidence au théâtre. Ouais, c'est génial. Qui était un truc inespéré pour nous. Vous pouvez travailler de manière plus libre. Et puis, le fait d'avoir un lieu, déjà, je pense que ça dégage énormément de stress pour travailler, pour répéter, pour plein de choses. Même ce qu'on ne perçoit pas, nous, public. Tout à fait. Pour nous, ça a été un gros changement parce qu'on passe d'une gestion juste de compagnie à une gestion d'espace avec tout ce qui va avec. C'est pas simple. Non, c'est pas simple. Mais vraiment bravo d'avoir réussi à mettre en place ce rendez-vous des moutards. Merci. Alors, Adrien, pour terminer ce petit intermède, est-ce que tu peux nous expliquer, donc redonner l'adresse aux auditeurs, oui, un numéro de téléphone ou un mail, si, est-ce qu'il est possible de réserver des places? Alors, il est possible de réserver, super, et en plus de plein de façons différentes. Génial. On a un petit peu développé aussi cet aspect-là, parce qu'avant, c'était plutôt téléphone avec, avec le Théâtre Roquette. Et nous, on a rajouté en plus Internet, évidemment. Génial. Donc, vous pouvez aller sur le site de la compagnie. Donc, reversible.fr. Lesreversibles.com, pardon. Moi, je vous ai trouvé en tapant dans Google Reversible et le premier lien qui apparaît... C'est vous. Ah bah c'est déjà bonne. C'est déjà une bonne nouvelle pour le référencement. C'est vous. Voilà. Et puis bah vous pouvez également donc nous appeler toujours. Il y a un formulaire en ligne et il y a également une billetterie qui est mise en place sur Helloasso. On vous conseille de passer par le site, c'est plus simple. Ouais, vous choisissez votre spectacle, l'horaire, vous cliquez. Les tarifs. Pouvez... Alors les tarifs, on a deux tarifs. Très simple, c'est 10 euros en tarif plein et 7 euros en réduit. D'accord. 7 euros réduit, bah, c'est pour tous les habitués de la réduction de tarifs. D'accord. On n'est pas très, très regardant là-dessus. Ouais. Et puis c'est tout. Après, il y a juste les petits entresorts qui ont un tarif un petit peu spécifique qui est à 2 euros et qui se fait vraiment que sur place le jour même. D'accord. Parce que c'est des toutes petites jauges. Okay. Donc c'est vraiment les gens qui seront là sur place et qui voudront faire le petit entresort. C'est généralement, c'est des choses qui durent entre 10 et 15 minutes à chaque fois. Ça marche. Voilà. Et donc ça, bah, ces entresorts seront sur le temps fort, justement, qui sera sur la deuxième semaine des vacances d'avril. Là, c'est bon à savoir. Du 15 au 18. Et là, c'est vraiment là qu'il faut venir parce que là, on fait sortir le théâtre dehors. On installe tout à l'extérieur. Il y aura un petit peu une petite restauration. Il y aura donc les entresorts, des animations, des jeux en bois. Enfin, voilà, on essaye de faire un petit peu, de mettre les petits plats dans les grands pour cette édition. C'est bien, puis ça va plaire à toutes les générations. Ouais, bah je pense, ouais, c'est super on chouette. J'espère bien. Merci beaucoup Adrien d'être venu nous parler donc de ce rendez-vous des moutards, on va dire nouvelle formule. Et que je précise d'ailleurs qui est devenu le rendez-vous des moutardes parce que nous avons décidé de l'inclusiver. C'est, je sais pas, je sais même pas si on dit ça comme ça. Ou l'incluer, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, on s'est dit que c'était l'occasion en changeant d'organisation et de se dire que bah allez, on va et vers le progressisme tel que génial. Qu'on l'aime. Super, merci beaucoup Adrien donc de la compagnie Reversible. Je rappelle que vous êtes en résidence au Théâtre de la Source à Tomblaine et que vous nous proposez une 19e édition remasterisée du rendez-vous des moutards 2 à compter du samedi 29 mars au 27 avril inclus. Allez-y parce que c'est trop génial. Merci Adrien. Merci à toi, Sarah. Et à bientôt. Merci au revoir. Beaucoup. Au revoir. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.